Bonjour menestres, mesdames et messieurs, et bienvenue dans On n'a rien préparé, l'émission d'impro radiophonique dans laquelle on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennebert, je serai votre présentateuriste du jour et comme toutes les semaines, tout d'abord je vous remercie d'être là en notre compagnie dans cette cinquième saison dont on n'a rien préparé en ce 13 novembre. Et j'accueille tout d'abord à ma gauche une femme aussi flamboyante que ses cheveux, Ise Brassel. Merci, je flamboie. Et à ma droite, un homme aussi rayonnant que ses cheveux, Hichamel Amouri. Mes yeux ! Mes yeux ! Oui, maintenant que nous sommes aveugles, nous pouvons continuer comme si de rien n'était, parce que c'est une émotion radiophonique. Et maintenant que je suis aveugle, je ne vois pas que la blague que j'ai entamée malgré moi, en m'adressant à la capillarité de mes compagnons et compagnes, va continuer avec l'invité du jour. Alors l'invité du jour... Il a commencé l'improvisation en 2007 aux ateliers d'initiation de la FBIA, avant que sur des conseils avisés, il rejoigne l'Impronam et puis la Croutoons, où il a fait partie de ce qui a été appelé par certains historiens et certaines historiennes le premier âge d'or de la Croutoons, qui les a vus entrer dans le championnat de la Fédération belge d'improvisation amateur. Il est à la LIP, la Ligue d'improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles, depuis 2017, et il est également sur plusieurs projets. Un propital qui est devenu un promissariat et deviendra bientôt un pro-l'inclusive. Vous voyez déjà un petit peu le personnage se dessiner. Ouh. Mais aussi l'excellent salon littéraire de l'inénarrable Dr. Johnson et du délectable professeur Schmuntz. Je n'ai jamais compris qui des deux personnages est-ce qu'il incarnait, mais c'est un spectacle à recommander chaudement dans toutes les chaumières. Il est également dessinateur, pédagogue, doctoris humoristica, Valentin Delieu. Delieu. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Valentin ? Eh bien, je vais très bien malgré cette introduction aux références capillaires, mais j'assume tout à fait ma calvitie totale, donc tout va bien. Bravo, je vois que tu prends déjà le pli de l'impro radiophonique en expliquant les blagues visuelles. Absolument. C'est beau. Est-ce que ça va bien ? Eh bien, ça va très bien. Oui. En ce beau mois de novembre. En ce beau mois de novembre, nous avons une petite tarte au chocolat et un petit café pour nous réchauffer. Bien, c'est délicieux. Et est-ce que par le temps qu'il fait dehors en ce moment, là depuis le début de la semaine, franchement, c'est incroyable, est-ce qu'un morceau de gâteau et une tasse de café, c'est pas le summum du bonheur ? Mais en tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons à nos auditeuristes pendant qu'ils et elles et elles nous écoutent. Alors, il est de tradition d'adresser à l'invité des petites questions pour aider à mieux le présenter. Alors, tandis que Hicham rit. Il est drôle ce type, mais oui, que je te dise, je le trouve marrant, il me fait c'est rigoler. Vrai. C'est vrai que Valentin Delieu a une capacité humoristique qui parfois... Alors déjà, est-ce que... qui parfois, on ne saura pas ce que... Mais non, mais est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont commencé l'impro parce qu'on leur disait qu'elles étaient le petit clown de la famille ? Ou pas ? Je pense pas. Non, j'ai toujours aimé faire rire, ça c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression qu'on faisait genre « Ah, vas-y, fais des blagues à la maison », quoi. C'était genre « Arrête un peu ». C'était plutôt l'inverse. On disait plutôt d'arrêter. Moi, occasionnellement, je fais à Valentin « Est-ce que ce calembour était-il véritablement nécessaire à l'instant qui vient de se passer ?» Et effectivement, j'ai une sale tendance au jeu de mots. Qui est parfois très drôle, mais parfois très pénible pour mon entourage. Et de fait, comme Hicham vient de le souligner, j'ai parfois tendance, quand je fais des improvisations, à un peu légèrement tordre l'histoire, juste pour pouvoir placer le jeu de mots que tu as en tête depuis 35 secondes. Et ouais, oui. Allez, il est vraiment bon, je veux vraiment le placer. Et parfois, c'est très bien, et parfois, c'est pas très bien. Donc, c'est bien de le reconnaître. Je suis le premier à savoir que ça peut être un peu chiant. Parfois plus fort que moi. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est que donc, tu es aussi dessinateur, et donc dessinateur notamment de... Alors moi, je dirais spontanément de caricatures. Je ne sais pas si tu te reconnais, en tout cas, dessin de presse ou... Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire du dessin de presse sans qu'il y ait de la caricature. Enfin voilà, la caricature, c'est dès l'instant où tu forces le trait d'une situation ou d'une personne. Tu peux considérer que c'est de la caricature. D'accord. Et... Mais donc du coup, évidemment, alors peut-être ça paraît un petit peu bateau comme question, mais J'imagine que... rire de tout. Non. Nous avons ouvert les portes maléfiques de Twitter. Non, mais quel est... En fait, c'est quoi le... Est-ce que pour toi, c'est vraiment très différent les mécanismes de l'humour dans le dessin où en fait t'es seul devant ta feuille entre guillemets, bon, avec j'imagine un fait d'actualité que t'as décidé ou qu'on t'a demandé de commenter ou sur lequel amener ton regard, et en impro où souvent quand même l'humour en impro naît plutôt de l'interaction entre plusieurs personnes, etc. Comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre? Oh wow. Mais pour moi les deux sont très complémentaires en fait, parce que quand tu improvises, c'est effectivement parfois avec un partenaire de, ou une partenaire de jeu, mais parfois c'est aussi des solos, etc. Mais je pense que l'idée, c'est la même, c'est que tu prends un fil et puis hop, tu tires dessus et tu n'as pas le temps de te poser 36 questions, parce que si tu remets en question à tout bout de champ ce que tu viens de déployer comme idée, etc., c'est compliqué. Quoi. Le dessin de presse, ça demande aussi d'être dans l'actu et dans l'instant, parce que l'actu, surtout maintenant, c'est un truc, c'est un flux, quoi. Donc tu dois prendre un ou deux éléments et te dire « Ok, je pars là-dessus et on verra ». Et j'ai déjà aussi fait des dessins en direct pour des conférences, etc. Où là, c'est vraiment le même moteur que pour de l'impro. Quoi. Ouais. Il se passe un truc, t'as pas le temps de tergiverser, de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il faut se faire confiance et se dire je pense que ça, ça tient la route. Et les gens sont aussi plus indulgents. Et est-ce que c'est... Il y a des allers-retours avec les personnes qui t'ont commandé le dessin ou les personnes pour lesquelles tu dessines, ou bien c'est vraiment... Tu proposes ton truc, tu l'envoies et puis c'est fait. Là où je fais vraiment des dessins d'actu, donc c'est une fois par semaine pour les réseaux sociaux de La Première, donc c'est une radio, je trouve ça rigolo de faire des dessins pour la radio. Là, il y a un comité, donc j'envoie des propositions sur un groupe WhatsApp, on valide un dessin et puis tu le peaufines. Puis je le peaufine et c'est bon. Quoi. Et donc, j'ai juste... A priori, c'est bon. Il y a parfois quand même des petits allers-retours parce que il y a des sujets où ça passe très bien parce que c'est assez consensuel, etc. Et puis pour peu qu'on soit sur un sujet où extrêmement émotionnel et clivant, ça peut être un peu plus compliqué. Donc j'ai un exemple en tête, mais pas forcément. Non, mais je crois qu'on en a tous qui nous viennent de. Voilà. Moi, j'ai une question. Sujet très touchy. WhatsApp, ouais. Vu qu'ils sont habitués à recevoir des dessins humoristiques virtuellement toutes les semaines, ouais. Est-ce que chaque semaine ils font leur haha, ou bien maintenant c'est genre OK. En fait, de nouveau, ça dépend des semaines. Et ça dépend soit de l'actu, soit de mon inspiration. Parce que j'avoue qu'il y a des semaines où je suis pas, il n'y a rien dans l'actu, quoi. Ah, ouais. Ou rien que je trouve vraiment marrant. Puis il y a des semaines où ça déborde de partout. Mais ça, ouais, généralement ça va. Je commence à aussi connaître les sensibilités des gens dans le WhatsApp en question. Et sachant qu'il y a aussi un responsable éditorial dont la voix a évidemment plus de poids que les responsables réseaux sociaux et newsletter. Et donc voilà, donc après, c'est, forcément, il y a un biais, quoi. Parce qu'il y, oui. Y a des gens qui valident ou qui choisissent. Parce que parfois, c'est pas forcément genre « Ah, ça, c'est bon, on autorise. » C'est parfois simplement... voilà, il y a trois dessins sur trois sujets différents et se dire bah, « On trouve que celui-là est un peu le plus pertinent. » Je dis, il y a vraiment une fois où j'ai l'impression qu'on m'a un peu dit « Mais là, c'est un peu... » Alors, nous ne sommes pas là pour faire un podcast d'actualité politique. Pour parler du Haut-Karabakh. Voilà, par exemple. Mais nous sommes ici pour faire des impros. Alors, nous allons lancer donc trois impros, 30 minutes. On espère du fun et de la légèreté. Lol. Oui, parce que c'est vrai que là, on parle de choses graves et tout. Non, mais en soi, c'est surtout, je fais des dessins et c'est rigolo et c'est chouette. Oui, non. En général, parce que régulièrement, tu fais des dessins pour la brochure de la CSC que je reçois puisque je suis à la CSC. Et en général, ça me fait bien rigoler. Tiens, Manu. Je me dis... Oh, écoute, attends, la FGTB. Beau-père se retourne dans son lit. Ah oui, alors. Il fait la toupie horizontale. Quoi. Ah oui, mais il a déjà percé le plancher de sa maison, je pense. Eh bien, Ize, tu nous as amené une première impro. Mais oui, moi j'ai de l'improvisation pour vous. Alors, vous allez faire un débat, jeunes gens. C'est-à-dire, Valentin. Voilà, Emmanuel, pour quitter l'actualité politique. On reste dans l'idée. Nous avons Valentin et Manu qui vont représenter des chefs d'un parti autour d'une opinion. Ah oui. Enfin, un parti carrément. Parti d'opinion. Des partis d'opinion. Ah, oui. Et le sujet, j'ai été chercher sous les conseils avisés d'Hicham dans mon historique YouTube. Ah ouais. Et vu que mon dernier historique YouTube, ce sont les séries d'interviews Hot Ones avec, des piments, vous allez avoir un débat sur le piquant, oui ou non, pour ou contre, tout simplement. Valentin, tu es le chef qui est pour le piquant. Le piquant, c'est obligatoire, très important pour des raisons que nous allons découvrir. Et Manu, le piquant, c'est le mal, ça ne devrait pas exister. Et vous, Hicham El Amouri, vous serez le médiateur de ce débat parce que je sens que ce sera un débat spicy et enflammé. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Non. Oui. C'est parti. Bonjour, mesdames, messieurs, ministres. Bienvenue dans une nouvelle occurrence de Parlons-en, parlons bien. Nous avons aujourd'hui un sujet qui agite les opinions, qui agite, j'ai envie de dire, les débats autour de la table de cuisine, de la cuisine, mais également dans les assiettes. Le piquant, les épices. Comme on appelle la pseudo-chaleur, cet autre aspect du goût à côté des saveurs, quelle place devrait-il occuper dans notre existence ? J'arrive à vous, vous en faites pas. Nous avons aujourd'hui deux personnes qui vont bien évidemment nous présenter leur point de vue, mais avant tout, bien entendu, se respecter l'une l'autre. Oui, bon, je compte sur vous, bien entendu. On est face à un collègue aussi fade, évidemment. Non, mais écoutez, voilà, il est déjà dans les extrêmes. Je vous rappelle que nous avons des bâtons électriques pour calmer les ardeurs des intervenants les plus agressifs. Bon, bien entendu, nous avons d'abord les partisans de l'épice. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous peut-être vous présenter brièvement pour que nos auditeurs, nos auditrices sachent à qui ils ont affaire? Oui, bien donc je suis donc docteur à l'université cuisiniste évidemment de la Sorbonne Paris depuis de nombreuses années évidemment, et je suis donc un aficionado de toutes sortes de condiments et donc tout produit dérivé allant du piment d'Espelette aux jalapenos les plus piquants venus du Mexique. Cela va de soi. Et je tiens déjà d'emblée à revenir sur une remarque que vous avez pointée, puisque vous avez parlé de pseudo-chaleur. Excusez-moi, mon cher, mais il n'est pas question de pseudo ici. On est vraiment sur une réelle chaleur. Le piment est le condiment de la chaleur à proprement parler. C'est comme un câlin maternel, quelque part. On est face à quelque chose qui relève non seulement un plat, mais qui relève également du bon sens. Je vous entends soupirer en face, mais vous savez, tant que vous ne prendrez pas la parole, mais je continuerai de parler. Eh bien, dans ce cas, je vais vous la prendre, voilà. Alors, bon, merci. Oui, nous sommes dans un cas classique, en fait. Hein, S'il vous plaît, calmez-vous. Voilà, merci. Merci pour cette intervention, effectivement. Merci. Attention, je l'ai toujours en main. Bonjour. Bonjour. Vous, de votre côté... les épices, le piquant, n'ont pas leur place dans nos alimentations ni nos vies. Pouvez-vous peut-être vous présenter et nous expliquer un peu votre point? Bien sûr. Alors tout d'abord, moi, je vais donner mon prénom et mon nom de famille, puisque apparemment, la personne en face de moi souhaite garder l'anonymat. Ce qu'on comprend face à l'inanité de ses positions, évidemment. Faut-il encore que je me présente? J'ai la parole. Sérieusement, monsieur, faut-il que je vous présente? Écoutez, moi, je ne fais que prendre la parole quand on me la donne. Vous voyez, il est tel le piquant. Il vole tout. Je m'appelle Pierre Gray, je suis je suis docteur en flore intestinale ainsi que en défécation et il me semble que voilà, vous voyez, en fait le problème c'est que le piquant vole tout. Il vole tout depuis la variété d'épices. C'est-à-dire, vous dites partisan de l'épice, mais il y a bien d'autres épices qui ne sont pas piquantes, parce qu'il y a des épices qui ne servent pas à accaparer tout depuis notre langue jusqu'à notre anus. Oh, monsieur Proud, s'il vous plaît, veuillez cesser. Ah, mais voilà, je m'appelle monsieur Gray. Ah oui, excusez-moi, monsieur, pareil, vous parlez de pisse et de défécation. Excusez-moi, mais moi je suis outré. Nous parlons ici de bonne cuisine, de cuisine qui nous fait rêver, qui nous emmène. Et qui nous brûle dès que nous allons à sel, enfin. Mais écoutez, monsieur, il suffit juste d'un petit peu d'habitude et peut-être que le premier passage, on se dit « Oh, ça picote un petit peu ». Au deuxième, on se dit « Oh là là, ce n'est pas désagréable ». Et puis, vous verrez, vous y prendrez goût, que ce soit par le haut soit par le bas. Mais de toute manière, écoutez, des études prouvent que lorsqu'on s'habitue au piquant, on est tout à fait désensibilisé à plein d'autres goûts. Par exemple, moi, tout à l'heure, je mangeais un pigeon. qui avait été chassé à Scarbec et je pouvais en apprécier la variété des saveurs. Et j'ai fait goûter cela à mon collègue qui a voulu tout de suite étendre du piquant dessus, là, hein, du tabasco, et quand même tout a fui. On est quand même face à quelqu'un qui... Enfin, excusez-moi, mais on est de l'ordre de l'insulte. Ah non, non, non. Ce monsieur vient de me dire qu'il mange du pigeon scarbécois. Excusez-moi. Eh bien oui, je mange local. Moi, je parle de cuisine. Et alors, c'est une insulte maintenant de manger local. Avec des ailes. Excusez-moi, genre, j'ai une question. Enfin, bien entendu, notre auditorat envoie des questions via X. Et nous sélectionnons certaines de ces questions. Bon voilà, monsieur, spécialiste des épices, bien entendu. Un auditeur fait remarquer que vous avez eu des propos, on va dire, polémiques autour de la harissa, que ce serait une sous-épice. On vous accuserait d'harissophobie. Qu'auriez-vous à dire ? Oh bien, de nouveau, on sent bien toute l'infamitude qu'il y a sur X Twitter, hein, bien sûr. Évidemment, la harissa est une formidable entrée en matière pour le monde des épices, mais on est quand même sur le ketchup de la gastronomie piquante. Voilà. Donc, évidemment, oui, Larissa est sympathique, Larissa est mignonne peut-être, mais elle ne relève pas un plat comme le ferait le plus grand des currys piquants indiens, comme les meilleurs piments mexicains, ou évidemment toutes ces spécificités d'Afrique de l'Ouest qui ont cette manière de vous enflammer les yeux, la bouche et le nez. Enfin, mais vous voyez que l'arme... On dirait une espèce d'islamo-gauchiste là, qui ne pense qu'à tout monsieur, enflammer. Retournez voilà, manger plus des que cuillères flammes, de mayonnaise. Des cuillères de mayonnaise. Ah voilà, vous voyez, pour vous, pour eux, lorsqu'on essaye d'être modéré, on est fade. Eh bien moi je dis non à l'incendie de nos palais, à l'incendie de notre royauté, à l'incendie de nos valeurs. Moi je suis pour un équilibre. Merci. Alors, comme le veut la tradition... avant de clôturer cette émission, un coup de bâton électrique à tous les invités. Voilà, et merci sur cette dernière intervention. À vous les studios. Bonne Je journée. Suis tout engourdi. Oh, wow. Manu, t'étais mon oncle. Merveilleux. C'est bien, j'en suis désolé, Iseu. Merveilleux. J'imaginais le perso de Manu qui mange le pigeon ramassé à même le pavé, oui, et crabouillé après une voiture, sûr, avec les plumes. Ah, c'est vraiment. Ah oui. Ouais, non, vraiment, je rends une petite. Hop là, entre deux tranches de pain et. Il replie. Hop, une petite bouchée. Ouais, ceux qui ont déjà, on sent que le bus a déjà roulé quelques fois dessus. Ils sont vraiment plats. Quoi. C'est la petite crêpe, quoi. Dégueu. Une bonne petite crêpe de pigeon. Crêpe de plume. Crêpe plume. Une crêpe plume. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange absolument formidable et florissant. Mais d'ailleurs, moi, j'étais en Tunisie récemment et je peux vous dire que tout était piquant. Il y avait de la harissa. Quand on ne dit pas de harissa, c'est qu'il en reste. Et moi, j'étais très heureux. J'adore ça, le piquant. Mais il y avait une autre personne avec qui j'étais en Tunisie qui a développé des aftes, puis de la diarrhée. Et puis, c'était des aftes à cause moment. Du piquant. Oui. Oh, wow. Mais c'est aussi. Moi, je fais très vite des aftes de base, donc là. Wow. Les aftes, c'est pire, je trouve, que la diarrhée, vraiment. Tu préfères des aftes ou de la diarrhée ? Merci de poser une question, Valentin, parce que la catégorie suivante, c'est une question, mais formidable. Mais quelle transition. Mais waouh, et c'est toi qui l'as faite. Tu vois, tu es déjà tellement bien intégré. Donc, la prochaine improvisation, c'est moi qui la présente et il s'agit d'une question. J'ai prévu pour vous trois lieux. Et lors de l'improvisation qui suit, en fait, vous allez jouer plusieurs situations qui vont d'abord se situer dans le premier lieu. Et puis, au bout d'un moment, je changerai encore au gré de mes envies. Si à un moment, donc c'est, on va dire que c'est Iseu et Valentin qui vont commencer. Et Valentiseu. Valentiseu. Ilantin. Ilantin. Valentiseu, je trouve ça. Ilantin, on dirait. Bref. Ouais. Si à un moment, vous ne posez pas une question ou que vous bafouillez de trop ou que vous avez toujours la même structure de questions, je serai intransigeant, je ferai... Et vous serez éjecté de l'improvisation, tel un sous-fifre dans un mauvais film de James Bond. Et l'autre membre du trio viendra prendre votre place pour ne faire que des questions. Et ça continuera à tourner comme ça. Come on, 5 minutes. Est-ce que c'est clair ? Tiens, 5 minutes. Je pense que c'est clair. Waouh. Eh bien, votre premier lieu sera un parc, genre une fête foraine. Attention, et c'est parti. C'est le cas de le dire. Monsieur, vous voulez le nounours bleu ou le nounours rose ? Est-ce qu'il est en polyester ou en matériaux naturels ? Vous me prenez pour une amatrice ? Est-ce que je vous prends pour une amatrice ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule ? J'ai vraiment l'impression que vous pensez que je me moque vraiment. Je suis désolé, Valentin. Il y avait un point d'interrogation. Vous n'avez pas duré 5 minutes, malheureusement. Mais si, Hicham, mais si. C'est parti. Est-ce que j'ai gagné une ours ? Fête foraine, donc. On continue à la fête foraine. Ok. C'est pas beau, ça ? T'as vu la vue depuis ici ? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus magique, Edouard ? À part toi ? Team Drake ? À ton avis ? Dans cette fête forêt ? Est-ce que je peux mettre ma main par-dessus ton épaule ? Est-ce que tu serais capable d'aller tirer à la pêche au canard par amour pour moi ? Depuis le Grand 8 ? Depuis le Grand 8 ! Merci je d'avoir fait finir en c'est beauté. Beau, c'est beau. Eh bien, Valentin et Hicham, c'est parti toujours dans la fête foraine. Est-ce que vous auriez 5 euros, s'il vous plaît ? Pourquoi faire ? Est-ce que ça vous regarde ? Est-ce que vous comptez tirer sur mes pipes ou pas ? Est-ce que c'est une question tendancieuse, monsieur ? Non. Je vois... Est-ce que si je tire... Un peu trop de est-ce que... Hein, est-ce que c'est facile ? Nous allons changer de lieu pour la prochaine situation entre Ize et Hicham et nous serons dans une usine. C'est parti. Je les mets où, les bouteilles ? Tu peux pas essayer de les mettre dans la machine numéro 3 ? Faudrait qu'on essaye... Oh, bah, c'est con, ça. Vraiment, c'est con, j'avais une question, voilà. Et puis j'ai continué avec pas une question. Mais oui, c'est une autodestruction. Oh là là, mais quel idiot. Allez, Valentin et Ize, on continue. Tu finis à quelle heure, Sylviane ? Tu veux que je finisse à quelle heure ? À 17h, c'est possible ? Oui. Je peux pas t'empêcher de draguer, c'est pas possible. Regardez-moi cette fille. Infernale. Tant qu'elle doute le flirt. Elle a toutes les possibilités, genre... Ah, tu veux que j'avise les sacs. Allez, Hicham et Valentin, on continue. Dragueuse. C'est parti. Tu peux m'expliquer, Michel, pourquoi tous les lots, là, ont un défaut ? C'est un problème s'ils sont pas en rose ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que j'ai une tête à avoir l'air que c'est pas un problème ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que, à ton avis, si je me pointe avec ça auprès du client, il va être content ? Mais le client, peut-être qu'il est plus tolérant, j'en ouais, sais rien, peut-être moi. Qu'il est complètement con aussi ! C'est ça que tu veux dire ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que je peux faire pour te satisfaire, au juste ? On a 200 000 bouteilles ici, avec un goulot de chaque côté. Est-ce que c'est pratique ? Mais qui a mis les goulots de chaque côté ? Mais c'est la question que je te pose. Qui a mis les goulots de chaque côté ? Ah, tu crois que c'est moi ? Ah, est-ce que je crois que c'est toi, à ton avis ? Mais tu m'as... Moi, je me suis juste occupé de la peinture ! C'était une pente glissante longtemps. Oui, oui, oui, oui, c'était très dérapant. Mais quand Hicham me regarde d'un air coupable après avoir dit une phrase, on sait qu'il a franchi la ligne et qu'il le sait lui-même. Il a le sourire de Mickey comme ça. Genre. Oui. Et ça passe, hein ? Non, moi je sais que ça passe pas. Mais oui, je sais. Allez, nous terminons dans une forêt pour s'apaiser après tous ces échanges. Oh, j'avais même pas pensé. Ah, voilà, ça y est, il commence à se réveiller. Je reconnais. Ça, c'est notre Valentin, ça. La fête forêt. Allez, la forêt, c'est parti. Quel vœu veux-tu faire, mon enfant ? J'ai droit à combien ? Est-ce que tu as été sage cette année ? Ça dépend de ce qu'on appelle sage. Est-ce que mettre le feu à l'école, c'est être sage ? Tu l'as fait intentionnellement ? Non. Il y avait un point d'interrogation. Oui, ça ne suffit pas toujours. Allez, Hicham et Ize, c'est parti. C'est un cèdre, ça ? C'est pas plutôt un bouleau ? À quel moment on va pouvoir construire une cabane si on trouve pas de cèdre ? Et c'est moi qui suis censée être l'expert des cabanes, maintenant ! Peut-être des arbres, au moins ? Mais est-ce que j'ai une tête de constructrice, enfin, Mathieu ? Mais que, comment tu veux qu'on batte les Vanderplassen si on n'a pas de cabane ? Je croyais que t'avais un plan, moi ! C'est pas une question ! Non ! Allez, Hicham et Valentin, peut-être pour la dernière. T'as vu des sangliers ? Non, je n'ai pas vu de chevreuil non plus. Tu as vu des chevreuils ? Et on ne peut pas toujours gagner. C'était une question. Tu as vu des chevreuils. C'est une affirmation suivie d'une question. C'est bah une grosse. Oui, et je te l'ai autorisé une ou deux une fois. Une virgule. J'accepte son information. C'était un point virgule et je relance. Oh et oui, c'était un oui et. Et malheureusement, ça ne suffit pas. La mauvaise, il l'a authentiquement. Non, je faisais le bruit du brame du cerf, évidemment. Ah, c'est. Non, mais je comprends. Un cerf qui brame dans son oreiller. Ça fait comment un cerf ? Ah oui, c'est vraiment quand un bruit. Il brame, il fait ça. Mais ça c'est très très très fort. Oui, voilà, c'est ça. Bien, mais de toute façon, c'est une impro qui provoque ce genre de choses chez les personnes qui y participent. C'est pour ça que je n'y participe plus. Provoque ce genre de choses. Absolument. Oh, quand même, Valentin. Tu la juges ou tu l'apprécies, la blague là ? Oh, les deux. Mais quand c'est les miennes, c'est pareil. Hein. Mais non, sauf que je sais ce qui se passe, c'est qu'en plus, il y a une lueur de fierté dans ton regard quand c'est toi qui l'ai fait. C'est comme quand on pète. Tu vois, tu te dis, ah, c'est pas bien, mais en même temps, on est un peu content. Non, plutôt pour le pro. Bref, débat. Voilà, mais après, on peut en discuter tout à l'heure. Mais le rose, je trouve. Nous en discuterons tout à l'heure. Et entre-temps, nous allons passer à la troisième improvisation du jour qui nous est amenée... La troisième improvisation du jour ! Oui, qui nous est amenée par Hicham ! Qui nous est amenée par qui ? Hicham ! Par Hicham ! C'est moi ! C'est toi ! Valentin, c'est qui, Hicham ? Ben, c'est toi ! Ouais. C'était pas une question ! Out ! Et donc, nous allons jouer une improvisation trois lieux. Ah, ok, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, rien du tout. Et ce qui va se passer, c'est que chacun notre tour, Manu, Ise et moi, allons te proposer, t'évoquer un lieu en une trentaine de secondes sur base d'un mot. Et tu choisiras ton lieu préféré et joueras avec Ise, si je ne m'abuse, l'impro qui va suivre dans le lieu en question. Ce sera sérieux et construit. Absolument. C'est bien l'idée. Et Manu, tu vas commencer et ton mot sera amulette. Amulette. C'est parti. Nous sommes dans un bric-à-brac. Il y a des étagères en bois laqué avec plein de vitrines et s'y entassent des artefacts étranges, il y a une sorte de corne creuse, il y a une statuette de démon en pierre noire qui tire la langue, et il y a, sur une espèce de tréteau, une amulette sertie d'une pierre verte. Merci Manu. Iso, et ton mot à toi sera luzerne. Je sais pas ce que c'est. Too bad. C'est une plante. C'est parti pour 30 secondes. Nous sommes actuellement sur la Lune, mais dans une petite grotte de la Lune. Cette grotte est si petite qu'on est obligé de s'y asseoir. Et pour s'entretenir dans cette petite grotte, heureusement, il y a un feu lunaire au milieu de cette mini-grotte. Ce feu lunaire est composé de rayons argentés qui réchauffent les corps qui flottent lentement sur la stratosphère. C'est pas du tout ça. Merci. Ok. Pardon, vas-y. Et pour orner cette petite grotte lunaire, il y a une petite luzerne. Voilà. Ok, oh waouh, bien placé. Ton mot à toi, Hicham, sera sardine. Sardine. Attention, c'est parti pour 30 secondes. On est sur un vieux dock qui est bien vermoulu avec les petits mollusques accrochés au poteau, vraiment doc comme ça, cliché avec des filets amoncelés, une odeur d'océan et de poissons décédés flotte dans l'air. Et il y a un vieux bateau tout rouillé qui est à côté avec des vieux gens en ciré jaune qui s'affairent autour du bateau. Merci. T'as envie de jouer. Est-ce qu'on peut faire un petit peut-être récap des lieux ? Nous avons Manu avec... Un bric-à-brac plein d'artefacts et d'une amulette sertie d'une pierre verte. Ça rime presque. Et oui. Eh ben, c'est beau. Ise avec... La petite grotte sur la lune. Un degré de conviction hautement intense. Et moi avec un vieux doc qui pue le poisson. Doc. Très bien. Et Valentin, maintenant, tu vas juger de ton intérêt personnel et subjectif sur les trois lieux qui se sont proposés, qui n'a aucune prise sur la valeur humaine que a chacun d'entre nous. Je serais très vexé. Je ne vais pas donc juger, je vais choisir avec le cœur. Mon cœur balance d'ailleurs entre ces trois lieux merveilleux. Eh bien, je vais choisir le vieux doc qui pue la morue morte. La sardine, s'il te plaît. La sardine, non, c'est pas dit, le poisson. Non, le poisson mort. Il y avait peut-être pardon. On verra ce qui va être dit dans l'impro. C'est vrai. Ah, Sur ces mots, je vous propose de faire une improvisation entre Ise et Valentin et de vous preste. Pas de réponse, mais. Okay. Oui, absolument. Oui. Je dis mot consent, c'est parti. Super preste. Sardine, qui veut mes sardines? Sardine, qui veut mes sardines? Jiminy! Jiminy, pas ici! Sardine, qui veut mes sardines? 10 euros les 12! Ouais! 10 euros les 20! Qu'est-ce que c'est encore? Jiminy, j'ai besoin d'un service! Encore? Oui, je suis désolé, Jiminy, mais c'est la dernière fois, mais j'ai encore besoin de monter sur ton bateau! T'as déjà dit ça la fois passée! Et encore la fois avant, c'est toujours la dernière fois. Tu me dois toujours 10 sacs d'ailleurs. Oui, mais je te les rendrai. Et cette fois-ci, c'est important, il faut qu'on fuit le pays. Et toi aussi d'ailleurs. Comment ça, moi aussi? Le roi va nous arrêter. Nous tous ici sur les docks, on est finis. Il faut qu'on prenne ton bateau et qu'on se casse. Voilà, madame, voilà 3 sacs de sardines. Voilà. Parle pas trop fort, les gens ont des oreilles par ici. Alors c'est oui ou c'est non? C'est oui. Mais c'est la dernière fois, ok? Viens. Jiminy, pourquoi est-ce qu'il y a des gardes qui nous regardent de manière louche sur le port? C'est rien, ils sont là depuis quelques jours, fait mine de rien, regarde. Bonjour. Bonjour. Monsieur le garde, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Ils sont vraiment nombreux. Bonjour. Ils n'ont pas répondu. Est-ce que vous allez bien? Bonjour. Oui. Excusez-moi, ils vont pas bien! Est-ce que vous allez bien? Jiminy, fais quelque chose! Reste calme, on va répondre à leurs questions. S'ils te demandent comment ça va, tu te dis juste comment ça va. Ok. Ça va plutôt bien, et vous? Comment ça va, vous? Comme un lundi. C'est pas à vous que je parle! Vous laissez parler la dame, vous, comment ça va? Comment ça va? Je ne réponds pas. Ah bah super, bah passez votre chemin. C'est pas si difficile que ça. Tu vois, parfois, je me dis vraiment que les gens ne savent plus prendre soin de leur santé mentale. Mais on m'a toujours dit, avec un peu de politesse, on peut se sortir de bien des situations. On l'a échappé belle. Allez, vas-y, démarre le bateau maintenant, s'il te plaît. Bon, Jiminy, je dois t'avouer un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, justement, ce n'est pas exactement... Je suis le roi, laissez-moi sortir de l'eau. Ce n'est pas le... C'est moi qui essaie d'arrêter. J'ai menti, j'ai capturé le roi. C'est un crime de lèse-majesté, j'aurai votre tête. Enfin, Géraldine, tu nous as mis dans le beau drap. T'es complètement malade, ma bête. Mais réfléchis à un instant. Si le roi, il est plus là, on peut faire autant d'activités illégales qu'on veut. C'est vrai ce qu'elle raconte, là, monsieur, votre majesté, là? Laissez-moi sortir tout de suite! Non, c'est vous, je veux répondre à la question. C'est vrai ce qu'elle raconte, là, que maintenant que vous êtes ici, qu'on fait ce qu'on veut? Dites comment ça va. Je sais pas, moi, je suis ici avec vous, je vous surveille. Donc, tout va bien? Ça va, tout va bien? Non! Laissez-moi sortir! Au garde! À la garde! Si c'est ça, on referme le sac, alors... Je sais pas... C'est pas le roi qu'on a entendu. Ah oui, je crois. Attends, c'était pas par là. Mais oui, je t'avais dit qu'ils étaient louches à pas dire tout de suite comment ça va. Regarde, ils nous font coucou les gardes. Ouais, coucou les gardes. Merci de venir avec moi dans cette aventure, Jiminy. Avec plaisir, ma petite GG. On mange du roi ce soir. On mange du roi. Ah, on va le dévorer finalement. Waouh. Eh ben oui. C'est Conan qui l'a dit. En cas de doute, mange tes ennemis. Un repas royal. Qui a dit ça ? Conan. Eat the rich. Ah. Ah, c'était une improvisation politique et militante, voilà. En fait. Mais le punk est avec nous. C'est bien. Eh ben. Mais comme on réécrit l'histoire a posteriori. Très important. Pas du tout, moi c'était ça dès le début. Quand je disais les sardines, c'était déjà très punk. Les sardines, c'est vrai que ce sont plutôt des prolétaires coincés dans... Ah, c'est plutôt un poisson de gauche, hein, la sardine, ouais, bah contrairement à la sole qui est clairement un poisson de droite. C'est ça. Ou le turbo. Tout ça a été claqué au sol en tout cas. Eh bien... Merci pour ce voyage, cette ambiance et ce message politique fort. Fait que tout le monde avait la blague de claquer au sol. Je suis seul à l'avoir faite parce que je n'ai aucune dignité. Voilà, mais... Moi, j'ai rien compris. Claquer au sol. Eh oui, j'aurais dû dire claquer à la sol, ça aurait été plus clair. Oui, ça aurait été plus clair. Eh bien, mettons le turbo vers la fin de cette émission. Valentin, tu nous as remonté dans tes filets un petit coup de cœur. Oui, tout à fait. Alors, mon coup de cœur est... en fait, il n'est pas tout à fait récent parce que c'est un spectacle. Il n'est plus très frais, quoi. Ah oui, mais je pense qu'il restera toujours très frais et très rafraîchissant. C'est un spectacle qui n'est pas du tout improvisé. Ce n'est pas le cabinet littéraire du... Il s'appelle l'excellent salon littéraire de l'inénarrable Dr. Johnson et du délectable Professeur Schmunz. Allez le voir. Non, ce n'est pas ce spectacle-là. C'est un spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon qui s'appelle Dominique toute seule. Qui est un spectacle au format et au ton un peu particulier qui dure 45 minutes et qui est à la fois destiné au jeune public et en fait à tout le monde comme plein de spectacles jeune public. Et qui est absolument super, alors qu'il n'y a pas grand chose dedans, il y a très peu de moyens, et en même temps c'est pleinement plein et complet, et c'est à la fois très drôle et hyper touchant et très beau, et voilà, donc allez-y voir. C'est donc un duo par la compagnie Au détour du Cairn, et voilà. Mais ça tourne encore, hein, il me semble. Ça tourne encore, donc il sera en décembre à la Montagne Magique ici à Bruxelles, mais il tourne un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit. Parfait, merci pour cette petite recommandation théâtrale qui n'est pas pour me déplaire. Ça fait plaisir. Allez-y, mais les yeux fermés. Et effectivement, comme beaucoup de... Et vous ne verrez rien. Comme beaucoup de spectacles jeunes publics, c'est très bien aussi pour les plus grands et plus grandes. Eh bien, c'est déjà le moment de nous séparer. Déjà ? Et oui. Malheureusement, mais tu reviens dans 2 semaines. Oui. Entre-temps, il me semble que tu as bientôt des dates. Absolument. Mais oui. Vous pourrez notamment voir le spectacle, l'excellent salon littéraire de l'inénarrable Dr. Johnson et du délectable professeur Schmunz que je joue avec mon camarade de toujours, Thomas William. Nous jouerons le 17 novembre à la salle des Trois Villages à Géonville, du côté de Bertry. Si vous dites « Ah, mais non, c'est super loin là, d'aller en Ardennes », c'est que vous n'écoutez pas ce podcast depuis l'Ardennes et que vous êtes donc plutôt bruxello-centré. Dans ce cas, tout va bien, vous pourrez aller au track à Odergame le 18, c'est-à-dire le lendemain. Mais j'entends déjà les gens dire « Mais c'est loin, c'est près d'Armand de Brouille, le bibibou, babou ». Oui, mais c'est vrai que les bruxellois... Exactement. Et là, on ne peut rien pour vous pour le moment. Évidemment, vous êtes des mauvaises personnes. D'où on part, évidemment. Et oui. Eh bien, merci beaucoup, Valentin, d'être passé nous voir. Eh bien, c'est avec grand plaisir. On se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Pour d'autres scènes improvisées, d'autres bêtises, d'autres rigolades. Est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter ? Oui, mon dernier mot sera croûte. Hicham ? Je n'en ai pas. Iseu ? Mon dernier mot sera neige. Et moi, mon dernier mot sera sérendipité. Bonne soirée. Oh, j'aurais dû dire luzerne. Ah. Oh, je suis con. Turbo, ou sardine, ou morue, ou sélacante, ou pajot. On recommence tout.